Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. 1 Samuel chapter 2 verse 12. 1 Samuel chapitre 2 verset 12. He says, Eli's sons were wicked men. They had no regard for the Lord. Now it was the practice of the priest with the people that whenever anyone offered sacrifice while the meat was being boiled, the servant of the priest would come with a three-pronged fork in his hand. He would plunge it into the pan or the kettle or the cauldron or pot, and the priest would take for himself whatever the fork brought up. This is how they treated the Israelites who came to Shiloh. Il dit, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. He says, but even before the fat was burned, the servant of the priest would come and say to the man who was sacrificing, give the priest some meat to roast. He won't accept boiled meat from you, but only raw. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. If the man say to him, let the fat be burnt up first, then take whatever you want, the servant would answer, no, hand it over now, or if you don't, I'll take it by force. Et si l'homme disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. This sin of the young man was very great in the Lord's sight, for they were treating the Lord's offering with contempt. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Now, let me stop there for a moment. There's a very important part next, but focus on me now. Maintenant, laissez-moi m'arrêter pour un moment. Il y a des choses très importantes ici. Alors, concentrez-vous sur moi maintenant. Listen to this. Écoutez ceci. That is how bad the fall was in the house. C'est comme ça que ça se passait dans la maison. The sacrifice of the Lord was treated with contempt. Les sacrifices du Seigneur étaient méprisés. And so it was blemished. Et c'était digne de blâme. It was defiled and blemished. C'était de la souillure et du blâme. So the sacrifice was hence not acceptable to the Lord. Alors, le sacrifice n'était pas acceptable pour le Seigneur. But that is what you see in the church today. Et c'est ce que vous voyez dans l'église aujourd'hui. The sacrifice, the offer today, cannot be acceptable to the Lord. Le sacrifice, l'offrande aujourd'hui ne peut pas être acceptable au Seigneur. Why? Pourquoi? Because parce que when our Lord brought Jesus and sacrificed Jesus, quand le Seigneur a amené Jésus et a sacrifié Jésus, it is an all or nothing phenomenon. C'est un phénomène du tout ou rien. All or nothing. Tout ou rien. It's an all or nothing. C'est un tout ou rien. But you can never take the blood of Jesus. Mais vous ne pouvez jamais prendre le sang de Jésus and mix with something and offer before the Lord. Et le mélanger à quelque chose qu'on offre au Seigneur, devant le Seigneur. And so if we are going to worship the blood of Jesus here, alors si vous commencez à adorer le sang de Jésus ici, then we rather worship in holiness. Alors vous avez avantage à l'adorer dans la sainteté. Because the blood of Jesus is holy. Parce que le sang de Jésus est saint. But if we are going to take some kind of sin, c'est proche de commencer à prendre quelque sorte de péché. Whatever it is, homosexual, whatever, or immorality, quoi que ce soit, l'homosexualité ou l'immoralité, adultery, l'adultère, whatever sin it is, quel que soit le péché, lies, des mensonges, l'adultère, de la pornographie, lying, du mensonge. Si nous commençons à prendre cela et le mélanger dans la communion fraternelle ici, Jehovah will not accept that sacrifice. Jéhovah n'acceptera pas ce sacrifice. Only the pure blood of Jesus, all or nothing. Seul le pur sang de Jésus, tout ou rien. Only that is acceptable here. Cela est acceptable ici. The reason the Lord said, et la raison pour laquelle le Seigneur a dit, in that vision I gave here, dans cette vision que je vous ai donnée ici, they used to worship here, ils avaient l'habitude d'adorer ici, but not anymore. Mais plus maintenant. I was very shocked. J'étais très choqué. I woke up and I told the Lord, je me suis réveillé et j'ai dit au Seigneur, I said, Lord, j'ai dit, Seigneur, but there are people worshiping all over the world. Mais il y a des gens qui adorent tout autour du monde. There are people worshiping you all over the world. Il y a des gens qui t'adorent tout autour du monde. How can you show me a vision and tell me that nobody is worshiping you? Comment est-ce que tu peux me montrer une vision et dire que personne ne t'adore? When I woke up from that vision, I spoke to the Lord. Quand je me suis réveillé de cette vision, j'ai parlé au Seigneur. I told him, Lord, but there are millions of Christians worshiping you every Sunday. Et j'ai dit, mais Seigneur, il y a des millions de gens qui t'adorent chaque dimanche. How can you show me that the house, the chairs are empty and the grass is growing? Comment est-ce que tu peux me montrer que dans la maison les chaises sont vides et que l'herbe est en train de croître? Then I understood. Ensuite j'ai compris. That ever since the Lord brought the blood of Jesus as the sacrifice of worship. Depuis que le Seigneur a amené le sang de Jésus en tant que sacrifice d'adoration, we cannot mix it with anything else, any sin. Nous ne pouvons pas le mélanger avec rien d'autre. So we rather prepare ourselves. Alors, on a meilleur temps de se préparer soi-même and worship him correct. Et de l'adorer correctement. Over here, là-dessus, what you see is that Eli loved God. Ce que vous voyez, c'est que Eli aimait Dieu. He was friend of God. Il était l'ami de Dieu. But immediately, now this is very important for the pastors. Mais immédiatement, et ça c'est très important pour les pasteurs. You can see that there was contempt unto the Lord. Vous voyez qu'il y avait du mépris pour le Seigneur. Contempt, abuse of the Lord. Du mépris, on abusait du Seigneur. And Eli did not rebuke it. Et Eli ne l'a pas réprimandé. If I read my Bible, si je lis ma Bible, I will never find a place in the Bible. Je ne trouverai jamais une place dans la Bible. Never ever. Jamais, jamais. I will never find a place where it says, je ne trouverai jamais une place où il est dit, and Eli went and took some meat for himself, Eli. Que Eli est venu et a pris un peu de viande pour lui-même, Eli. Eli never went. Eli ne l'a jamais fait. If you read on, you hear that Eli's sons, the sons of Eli. Si vous lisez, vous voyez que ce sont les fils d'Eli. The sons of Eli used to stand at the door. Les fils d'Eli avaient l'habitude de se tenir à la porte. And they used to take women for sexual sin. Et ils prenaient des femmes pour des péchés sexuels. Let me repeat that. Laissez-moi répéter cela. The sons of Eli. Les fils d'Eli. They used to stand at the door and choose girls, girls. Ils avaient l'habitude de se tenir à la porte et de choisir des filles. And choose girls and take them for sexual sin, go with them for sexual sin. Et de choisir des filles et pour des péchés sexuels et aller avec elles pour des péchés sexuels. Never in the Bible. Jamais dans la Bible. Did I find that Eli stood at the door and took girls? Eli. Alors, je n'ai jamais trouvé que Eli se tenait à la porte et prenait des filles. Eli. Which means, ce qui signifie, Eli, as the pastor, he loved God. Eli, en tant que pasteur, aimait Dieu. Eli feared God. Eli craignait Dieu. Eli honored God. Eli honorait Dieu. Eli had reverence, reverence, fear of God. Eli avait de la révérence, de la crainte de Dieu. But listen to the sin. Mais écoutez pour les péchés. And this is now the message the pastors. Alors ça c'est le message pour les pasteurs. Listen to the sin. Écoutez à propos des péchés. The sin that Eli committed. Le péché que Eli a commis. Eli was the preacher of the law, the preacher of the word. Eli était le prédicateur du Seigneur, le prédicateur de la parole. But when sin entered the house. Que lorsque le péché est entré dans la maison. Eli did not rebuke sin. Eli n'a pas réprimandé le péché. Eli did not rebuke sin. Élie n'a pas réprimandé le péché. The church has not rebuked sin. L'église n'a pas réprimandé le péché. The pastors have not stood up and said no no no no no no no no no. Les pasteurs ne se sont pas levés et dit non non non non non. We want only holy worship in this house. Nous désirons seulement de la sainte adoration dans cette maison. The pastors have not rebuked sin. Les pasteurs n'ont pas réprimandé le péché. You have committed the same sin that Eli committed. Vous avez commis le même péché que Eli a commis. And what is amazing to me? Et ce qui m'étonne. Let me tell you now how you come into this revival. Laissez-moi vous dire maintenant comment vous arrivez à ce renouveau. Let me tell you what happened to Kenya. Laissez-moi vous dire ce qui est arrivé au Kenya. When I told Kenya that the Lord, if it is time to do something, he will do it anyhow. Quand j'ai dit au Kenyan, si c'est le moment de faire quelque chose, il va le faire de toute manière. You cannot stop the Lord. Say, Lord, stop us. We are not ready, please. Vous ne pouvez pas arrêter le Seigneur en disant, oh Seigneur, arrête premièrement. Nous ne sommes pas prêts, s'il te plaît. No. We are not yet ready. We first want to pump life, to pump up life. Non. Nous ne sommes pas prêts maintenant. Nous aimerions juste jouir de la vie, jouir de la vie. I see most of the churches today. They are pumping life. J'ai vu la plupart des églises aujourd'hui. Elles jouissent de la vie. Nous jouissons. There is pump up. Everybody is pumping life. I see it. Il y a de la jouissance. Tout le monde jouit de la vie. Je l'ai vu. Je le vois. But you cannot tell the Lord. Lord, hold it fast. Mais vous ne pouvez pas dire au Seigneur, oh, attends premièrement. Allow us first to enjoy here a bit. Permets-nous d'abord de se réjouir ici un petit peu. You cannot do that. Vous ne pouvez pas faire cela. Because there is a prophetic timeline. Parce qu'il y a un calendrier prophétique. That God designed before the earth was created. Que Dieu a conçu avant que la terre soit créée. And if it is time for God to do something, et si c'est le moment pour que Dieu fasse quelque chose, he will do it when the time comes. Il va le faire quand le temps est venu. And that's what I am saying today. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. That if you see the Lord sent me here, si vous me voyez venir là, I have not been to Comoros, to Seychelles. Je n'ai pas été aux Comores, aux Seychelles. To New Zealand. En Nouvelle-Zélande. I have not been to Alaska. Je n'ai pas été en Alaska. But when I come, I say, what a beautiful country. Et quand je viens, je dis, mais quelle belle contrée. And I say, wow, now the only thing you need is revival. Maintenant, la seule chose dont vous avez besoin, c'est le renouveau. When you see the Lord send me here. Quand vous voyez que le Seigneur m'envoie ici. If you see the Lord begin to engage one country, engaging. Quand vous voyez que le Seigneur engage une contrée, qu'il vous engage, son engagement, talking to one country, parlant à une contrée, vous devez savoir que c'est le moment pour vous de faire quelque chose de nouveau dans cette contrée. And if you are not careful, et si vous ne faites pas attention, as pastors, he needs you. Comme pasteur, il a besoin de vous. So you must make sure you are available. Alors, vous devez être sûr d'être disponible. If you are not careful, he will jump you. Et si vous ne faites pas attention, il va vous sauter. Look at this. Maintenant, regardez à ceci. When there was sin going on in the church. Il y a du péché qui démolit l'église. And the sons of Eli were in immorality. Comme les fils d'Eli qui étaient dans l'immoralité. They were taking girls and going, coming back for other girls. Ils prenaient des filles et ils revenaient pour d'autres filles. Now listen to this. Maintenant écoutez ceci. I am going to read so you may know something else that God was doing in the same house. Je vais commencer à lire, comme ça vous allez savoir quelque chose d'autre que le Seigneur va faire dans la même maison. Mais aujourd'hui, si vous regardez aux filles et aux fils de pasteurs, probably they are more sinners than even the world. Probablement. Ils sont même plus pécheurs que même le monde. If you look at the sons and the daughters of pastors, si vous regardez aux fils et aux filles de pasteurs, you cannot see the image of the priesthood in them. Vous ne pouvez pas voir l'image de la prêtrise en eux. You cannot see the image of pastors. They are rebellious. They are sagging trousers. Vous ne pouvez pas voir l'image des pasteurs, leur rébellion, leurs pantalons tout relâchés. Their earrings, they're doing things. Leurs boucles d'oreilles, ils font des choses. They're dancing in the disco, they are everywhere doing everything wrong. Ils dansent dans les discos, ils font toutes choses mal. The women, the girls, les femmes, les filles. The daughters of pastors. Les filles de pasteurs. They even take men from the church. Elles prennent même des hommes de l'église. And you are shocked she's with this man again from the church. Et ça, vous êtes choqués de voir que cet homme encore de l'église. The sons of pastors take girls from the church. Les fils de pasteurs prennent des filles de l'église. The same situation has repeated itself. La même situation s'est répétée elle-même. But as that was happening, mais comme ceci arrive, something else was happening here. Quelque chose d'autre arrivait ici. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. Read with me the book of 1 Samuel chapter 2 verse 14. Lisez avec moi le livre de 1 Samuel chapitre 2 verset 14. 1 Samuel chapter 2 verse 14. 1 Samuel chapitre 2 verset 14. We are just continuing now. Nous continuons juste maintenant. He says, but Samuel was ministering before the Lord. Mais Samuel faisait le service devant le Seigneur. A boy wearing linen ephod, linen. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin, de lin. When all this sin was happening, quand toutes ces choses arrivaient, the Lord was raising another priesthood. Le Seigneur élevait une autre prêtrise. Samuel was wearing fine linen, bright and clean. Samuel revêtait du fin lin éclatant et pur. Samuel was in righteousness. Samuel était dans la justice. A little boy. Un petit garçon. A little boy who had not even known the word. Un petit garçon qui ne connaissait même pas la parole. And look at this beauty here. Et regardez cette beauté ici. Look at what he says. Regardez ce qu'il dit. And he said, each year his mother made for him a little robe and took it to him when she went up with her husband to offer annual sacrifice. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. And that beautiful situation continues. Et cette belle situation continue. And then verse 22. Et ensuite au verset 22. The opposite situation. La situation opposée. Now Eli, who was very old, heard about everything his sons were doing to all Israel and how they slept with women who served at the entrance of the temple of God, of the tent of meeting. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. And the boy Samuel continued to grow in stature and in favor with the Lord and with men. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Have you seen that? Avez-vous vu cela? As all this was happening, alors que tout cela arrivait, Samuel, another priesthood, another one, Samuel, une autre prêtrise, quelqu'un d'autre, was being raised by God. Était élevé par Dieu. Did I tell you that the Lord will jump you if you don't jump into this train? Est-ce que je vous ai dit que Dieu va vous sauter si vous ne sautez pas dans ce train? If you don't jump into this train, the Lord will jump you. Si vous ne sautez pas dans ce train, le Seigneur va vous sauter. Because our God is holy. Parce que notre Dieu est saint. He is very holy, and I will explain to you why. Il est très saint. Et je vais vous expliquer pourquoi. Why he has to jump. Pourquoi il doit sauter. In the book of Acts, chapter 17, verse 30. Dans le livre des Actes, le chapitre 17, le verset 30. In the book of Acts, chapter 17, verse 30. Dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 30. Read it. Acts, chapter 17, verse 30, and then we come back to 1 Samuel. Lisez-le. Actes, chapitre 17, verset 30, et ensuite nous revenons à Samuel. The book of Acts, chapter 17, yes, verse 30. Le livre des Actes, chapitre 17, verset 30. And 31. Et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. He says, in the past, God overlooked such ignorance. Il dit, dans le passé, le Seigneur n'a pas tenu compte d'une telle ignorance. In the past, he overlooked it. He said, not yet time. You know, I'm going to get to them. Alors il dit, pas en ce moment, je vais les rencontrer. But now he commands everybody to repent. Mais maintenant, il commande à tout le monde de se repentir. Why? Pourquoi? Because the appointed time is near now. Parce que le temps d'appoint est proche. He has already set a day when the Lord will judge. Il a déjà fixé le jour où le Seigneur va juger. He has already set a day for the rapture of the church. Il a déjà fixé le jour pour l'enlèvement de l'église. Because what will happen? Parce que qu'est-ce qui va arriver? At the rapture of the church. À l'enlèvement de l'église. He says. Il dit. That two men will be working in the field. Que deux hommes vont travailler dans les champs. One will be taken. L'un va être pris. And the other one left. Et l'autre laissé. Two women will be grinding on a mill. Deux femmes moudront au moulin. One will be taken, the other one will be left. L'une va être prise et l'autre laissée. That is judgment. Ça c'est le jugement. That is judgment. Ça c'est le jugement. Judgment will have begun. Le jugement aura commencé. When he takes and he leaves others. Quand il prend et qu'il laisse d'autres. And he says, et il dit, that in the past he overlooked such ignorance. Dans le passé, il n'a pas tenu compte d'une telle ignorance. But because the days have grown nearer, he has now set up a date for taking the church. Parce que maintenant les jours sont plus près où il a fixé le jour de, pour prendre l'église. For judging the earth. Pour juger la terre. Now he commands everybody everywhere to repent. Maintenant, il commande à tout le monde partout de se repentir. Go back to 1 Samuel. Retournons à 1 Samuel. So you see, alors vous voyez, in the past, God overlooked it. Dans le passé, Dieu n'a pas tenu compte. But when the time came, he began to raise a new priesthood. Mais quand le temps est venu, il commence à élever une nouvelle prêtrise. God loved Eli. Dieu aime Eli. There is no way he would have jumped Eli. Il n'y a pas de manière de sauter Eli. Only when Eli refused to change. Seulement quand Eli a refusé de changer. Now listen to this. Écoutez ceci. The boy Samuel. L'enfant Samuel. When that was happening in the house. Quand ceci arrivait dans la maison. Samuel was wearing finest linen before the Lord. Samuel était vêtu de fin lin devant le Seigneur. And ministering before the Lord. Et servait devant le Seigneur. And Samuel was growing in stature. Et Samuel croissait en stature. In height, stature. Il grandissait en stature, sa taille. In stature, in favor with God and man. En taille et en faveur devant Dieu et devant les hommes. The Lord had to give him favor before himself and favor with men that he may reach the souls of men for the Lord. Le Seigneur a lui donné faveur devant lui-même et devant les hommes pour qu'il puisse gagner les âmes pour le Seigneur. This is the message to the pastors in Europe. C'est le message pour les pasteurs en Europe. That if you are not ready to jump into this train of repentance. Que si vous n'êtes pas prêt à sauter dans ce train de la repentance. Into this train of revival. Dans ce train du renouveau. Of holiness. De sainteté. The Lord is going to raise up another, a new priesthood. Le Seigneur va élever une autre prêtrise. The Lord is going to raise up the Samuels of this hour. Le Seigneur va commencer à élever les Samuels de cette heure. At this hour, the Lord is going to raise up the new Samuels, the Samuels of today. En cette heure, le Seigneur va élever les nouveaux Samuels, les Samuels d'aujourd'hui. If the pastors in Europe, si les pasteurs en Europe, if they don't jump into this revival train, s'ils ne sautent pas dans ce train du réveil, du renouveau, the Lord has sent me here to call to join this train. We're heading to heaven. Le Seigneur m'a envoyé ici pour vous appeler à prendre ce train qui conduit au ciel. The train has stopped here. Le train s'est arrêté ici. And it is time to come, embarkation, to come onto the train. Et c'est le moment de venir dans le train. To board the train, board the train. C'est le temps de prendre le train. Because this train is headed into the kingdom of God. Parce que ce train conduit dans le royaume de Dieu. But if the pastors who refuse to prepare the people and bring them aboard. Et les pasteurs qui refusent de préparer les gens et de les amener à bord. The Lord will raise up new Samuels. Le Seigneur élèvera des nouveaux Samuels. That will board the nation onto the train. Qui amèneront les nations au train. Because the train must leave to the next destination. Car parce que le train doit quitter pour une autre destination. And this train is in Isaiah chapter 35. Et ce train est dans Ésaïe chapitre 35. It is following that road. Il suit ce chemin. Isaiah 35 verses 8 and 9. Ésaïe 35, les versets 8 et 9. The highway of holiness. Le haut chemin de la sainteté. The highway of revival. Le haut chemin du renouveau. Only holiness can bring revival. Seule la sainteté peut amener le renouveau. Only repentance can bring revival. Seule la repentance peut amener le réveil. That's why Kenya began by repentance revival. Repentance. C'est comme ça que le Kenya a commencé par une repentance de renouveau, une repentance. And now you have the whole nation in Kenya preparing for the coming of the Messiah. Et maintenant vous avez toute la nation du Kenya qui se prépare pour la venue du Messie. Their blind can see, their deaf can hear. Les aveugles peuvent voir, les sourds peuvent entendre. Their mute can speak. Les muets peuvent parler. Their HIV is healed. Le sida est guéri. It is a national conversation. C'est une conversation nationale. There is a national conversation going on in Kenya. Il y a une conversation nationale qui est là au Kenya. About the coming of the Messiah. À propos de la venue du Messie. There is a bigger conversation going on inside Kenya. Il y a une plus grande conversation qui est là à l'intérieur du Kenya. The nation is preparing for the coming of the Messiah. La nation se prépare pour la venue du Messie. The women are pulling their children to the meeting of the Lord. Les femmes tirent leurs enfants dans les rassemblements du Seigneur. 5 children, 4 children. 504 enfants. They don't worry about a backpack with sandwich and Coca-Cola. They don't worry about that. Ils s'en soucient pas du sac à dos et des sandwichs. Ils se soucient pas de cela. They are just coming before the Lord. Ils viennent seulement devant le Seigneur. And worshiping for days. Et adorent pendant des jours. And their blind eyes are opening. Et les yeux aveugles s'ouvrent. The most blessed nation at this hour. La nation la plus bénie de cette heure. Apart from Israel. À part Israël. Kenya is. Kenya est. They are preparing to enter. Ils se préparent pour entrer. As a nation. En tant que nation. And so that's why I'm saying. Et c'est pourquoi je dis. In Kenya, I told them. Au Kenya, je leur ai dit. That if the bishops and pastors are not ready to change. Que si les pasteurs ne sont pas prêts à changer. And enter the train. Et à entrer dans le train. The Lord would raise forth a new priesthood, the Samuels of today. Le Seigneur va élever une nouvelle prêtrise, les Samuels d'aujourd'hui. And I saw it happen in Kenya. Oui, et j'ai vu cela arriver au Kenya. We saw university professors. Nous avons vu des professeurs d'université. Coming out and say, I want to be a pastor. Venir et dire, je désire devenir un pasteur. We saw senior doctors. Nous avons vu des docteurs. Coming and say, I want to be a pastor. Venir et dire, je désire être pasteur. We see top lawyers. Nous avons vu des hommes de loi de haut niveau. Becoming pastors. Devenir des pasteurs. We saw village women. Nous avons vu des femmes de village. Widows in the village, widows. Des veuves dans les villages. Coming and becoming pastors. Venir et devenir des pasteurs. And they are the ones running the biggest revival in the history of the Bible. Ils sont ceux qui tiennent le plus grand réveil de l'histoire de la Bible. Business people. Des hommes d'affaires. We saw business people come. Nous avons vu des hommes d'affaires venir. And say, I don't want to do business anymore. I want to close my businesses. Big businesses, big, very big. Venir et dire, je ne désire plus avoir mon affaire, même une grande affaire, très grande affaire. But say, you know what, I want to serve only the Lord now. Et maintenant, je désire seulement servir le Seigneur, maintenant. If the priesthood will not be ready. Si la prêtrise refuse d'être prête, the Lord will jump them. Le Seigneur va les sauter. The Lord will raise a new priesthood. Le Seigneur va élever une autre prêtrise. And they will prepare to board the train and we will leave. Et ils vont se préparer à prendre le train et nous allons quitter. This train has a set time to leave. Ce train a un temps fixé pour quitter. I am reading the book of Luke chapter 2 verse 52. Je lis l'évangile de Luc chapitre 2 verset 52. And he says, et il dit, and Jesus grew in wisdom, et Jésus croissait en sagesse, and in stature, et en taille, and in favor with God and with men, et en faveur devant Dieu et devant les hommes. And Jesus grew in wisdom, et Jésus croissait en sagesse, and in stature, et en stature, and in favor with God and with men, et en faveur devant Dieu et devant les hommes. That tells me, ça me dit, that when Samuel was being raised by the Lord, que lorsque Samuel a été élevé par le Seigneur, the Lord raised him in the order of Christ. Le Seigneur l'a élevé dans le même ordre que Christ. He became a priest. Il est devenu un prêtre. A priest of Christ. Un prêtre de Christ. A priest of Christ. Un prêtre de Christ. Because he developed in the same image. Parce que il a développé la même image. Right now the Lord is looking for a priesthood that will grow in the image of Christ. Juste maintenant, le Seigneur cherche une prêtrise qui va croître à l'image de Christ. A priesthood that will call sin as sin. Une prêtrise qui va appeler péché péché. A priesthood that when they see the country is decaying, the moral decay, moral decay. Une prêtrise qui, lorsqu'elle voit le pays dans le déclin, dans un déclin moral, they will blow the trumpet. Elles vont sonner de la trompette and say no, no, no, no, no, please. Et dire non, non, non, non, s'il vous plaît. We need to change direction. Nous avons besoin de changer de direction. We are going in the wrong direction. Nous allons dans la mauvaise direction. We need such a priesthood. Nous avons besoin d'une telle prêtrise. And that's what I wanted to share with you, precious pastors. Et c'est ce que je désirais partager avec vous, précieux pasteurs. The time is over. Le temps est passé. You see, many nations have been hearing this word. Vous avez vu que beaucoup de nations ont entendu cette parole. For some time now. Pour un temps maintenant. But you have greater power. Mais vous avez le plus grand pouvoir. To take it up. And join the band revival, join the revival. De le prendre et de joindre la bande renouveau. And enter the kingdom of God. Et d'entrer dans le royaume de Dieu. You see very clearly here. Vous voyez très clairement ici. That the pastor has a very central role. Que les pasteurs ont un rôle très central. In inviting this revival. En invitant ce réveil. And nurturing this newborn baby of revival. Et en nourrissant ce bébé nouveau-né du renouveau. Making sure that the baby does not die. Assurez-vous que le bébé ne meurt pas. Nurturing the baby. Nourrissez le bébé. Of revival. Du renouveau. That the baby may grow up. Pour que le bébé puisse croître. But let me tell you. Mais laissez-moi vous dire. There is no trick. Il n'y a pas un truc. There is no shortcut. Il n'y a pas un raccourci. There is only one way that leads to the kingdom of God. Il y a un seul chemin qui conduit au royaume de Dieu. And that way is through the cross. Et ce chemin est à travers la croix. So the Lord is saying, alors le Seigneur dit, that let us enter into the highway of holiness. Entrons dans le haut chemin de la sainteté. The only way we are going to come back to the highway of the Lord, the highway of holiness. La seule manière de et de retourner au haut chemin du Seigneur, le haut chemin de la sainteté, is by repentance. C'est par la repentance. The Lord is calling the nation. Le Seigneur appelle la nation into a national repentance. À une repentance nationale. Only repentance can clean our sins. La repentance peut nettoyer nos péchés. Only repentance. Seule la repentance. Can return moral purity to the church. Peut ramener la pureté morale dans l'église. Only repentance can bring back righteousness to the church. Seule la repentance peut ramener la justice dans l'Église. When the Bible describes righteousness, quand la Bible décrit la justice, the Bible says, la Bible dit that righteousness is better than all the gold and diamond and silver of the earth. Que la justice est meilleure que tout l'or, tous les diamants et l'argent de la terre, of the whole earth. De toute la terre. That means, ça signifie, you can take all the gold of the earth, vous pouvez prendre tout l'or de la terre, all the diamond of the earth, tous les diamants de la terre, all the silver of the earth, tout l'argent de la terre, the precious metals of the earth, le métal précieux de la terre, and you put them on one side of the scale, et vous le mettez sur un plateau de la balance, one side of the scale, un plateau de la balance, and then you put righteousness on this side, et ensuite vous mettez la justice de l'autre côté, when you put the wealth of the earth here, quand vous mettez les richesses de la terre là, it will be very heavy, it will be heavy, ça va être très lourd, ça va être lourd, and then when you put righteousness here, et ensuite vous mettez la justice là, it will throw it up, ça va le faire monter, it will just throw it up, ça va juste le faire monter, throw it up, le faire monter like nothing, comme rien. That means righteousness cannot be bought with money. Ça signifie que la justice ne peut pas être achetée avec de l'argent. He's saying, come, come, come. Il dit, viens, viens, viens. Come take for free. Viens, prends gratuitement. The kingdom of God is for free. Le royaume de Dieu est gratuit. The Bible says, la Bible dit, like it was during the time of Noah, de même qu'il en était du temps de Noé, so will it be at the coming of the Messiah. Ainsi il en sera à la venue du Messie. If you read the Bible here, si vous lisez la Bible ici, on Matthew chapter 24, 36, dans Matthieu chapitre 24 à 26, you see that during the time of Noah, vous voyez que du temps de Noé, Noah preached righteousness. Noé prêchait la justice. But nobody wanted to hear righteousness. Mais personne ne désirait écouter à propos de la justice. The people did not like righteousness. Les gens n'aimaient pas la justice. The same thing is happening today. La même chose arrive aujourd'hui. People don't want righteousness. Les gens ne désirent pas la justice. But when you will preach righteousness, mais quand vous prêcherez la justice, and preach righteousness, et que vous prêchez la justice, when you come back to church, quand vous revenez à l'église, the next Sunday, le dimanche suivant, you'll find only half the church have come back. Vous allez trouver que seule la moitié de l'église est revenue. And you look at, you say, what happened to the other half? Et vous allez regarder là et dire, mais qu'est-ce qui est arrivé à l'autre moitié? And then you say, you know what? Et vous allez dire, vous savez quoi? I will continue preaching righteousness. Je continuerai à prêcher la justice. And you preach righteousness. Et vous prêchez la justice. And righteousness. Et encore la justice. And then two families live again. Et ensuite, deux familles quittent encore. And then you preach holiness. Et ensuite, vous prêchez la sainteté. Righteousness. La justice. Rebuke sin. Vous réprimandez le péché. And you preach repentance. Et vous prêchez la repentance. Listen to this. Écoutez ceci. Then you will say, ensuite, vous direz, after all, you are not my provider. Après tout, tu n'es pas celui qui me pourvoit. The Lord is my provider. Le Seigneur est celui qui pourvoit. Because many times you worry about this. Parce que bien souvent vous êtes inquiet à propos de ceci. If the people leave the church, where will I get money to run this system? Si les gens quittent l'église, où est-ce qu'on va avoir l'argent pour faire marcher le système? But today I have come to disconnect the pastors. Mais aujourd'hui je suis venu pour déconnecter les pasteurs from the sheep. De leurs brebis. I have come to disconnect you from the sheep. Je suis venu pour vous déconnecter de vos brebis. As pastors, I have come to reconnect you to the Lord. En tant que pasteur, je suis venu pour vous reconnecter au Seigneur. And listen. Et écoutez. Then when you do that, alors quand vous faites ceci, in Kenya they said no no no no we don't want that. Au Kenya, ils ont dit non non non, nous ne désirons pas cela. We don't want that. That is difficult gospel. They were doing the towels like this and throwing the towel. Nous ne désirons pas cela. C'est un évangile difficile. Ils faisaient une tour comme ceci. They said that kind of gospel is very difficult. Ils ont dit cette sorte l'évangile est très difficile. You are preaching too much holiness. Vous prêchez trop la sainteté. Too much righteousness. Trop de justice. We need people here to run this system here. Nous avons besoin de gens ici qui font tourner le système ici. The people don't like this gospel. It's too painful. You are hurting the sheep. Les gens n'aiment pas cet évangile. C'est trop pénible. Vous heurtez les brebis. Listen. Écoutez. Then I told them. Ensuite, je leur ai dit. Okay, now I can see that we can talk. Alors maintenant, je peux voir que vous pouvez parler. I can see that you are ready for talking. Alors je peux voir que vous êtes prêt à parler. And I said. Et j'ai dit. Now that you have started preaching it and you feel the pain. Maintenant que vous avez commencé à prêcher ça et que vous sentez la douleur. Now I want to pray for you that the Lord provide for you. Alors maintenant, je veux prier pour vous que le Seigneur pourvoie pour vous. And I went on my knees. Et je me suis mis à genoux. And I said, Lord, et j'ai dit, Seigneur, for those who have come, pour ceux qui sont venus, you are now their provider. Tu es maintenant celui qui pourvoit. Let me tell you one thing. Laissez-moi vous dire une chose. The churches are full. They have to stretch the tent. L'église est pleine. Ils ont à agrandir la tente. But these people did not go to Bible college. They don't have a degree in theology. Ces gens n'ont pas été au collège biblique. Ils n'ont pas un diplôme de théologie. When the Lord jumps the priesthood. Quand le Seigneur saute la prêtrise. He will raise the names you have never heard. Il va élever des noms que vous n'avez jamais entendus. He will raise up the names you have not yet heard. Élever des noms que vous n'avez pas encore entendus. The Lord will raise up the new Samuels. And these are people you don't even know. Say, where is this one from? Le Seigneur va élever des nouveaux Samuels et ce sont des gens que vous ne connaissez même pas. Alors vous allez dire, d'où vient-il celui-là? Because they worry, the pastors, they worry. Parce qu'ils sont en souci, les pasteurs. Ils sont en souci. If you preach too much righteousness, the sheep will go and then we'll lose money. Et si vous prêchez trop de justice, les brebis vont s'en aller et vous allez perdre de l'argent. But today I have come in this pastor's conference. Mais aujourd'hui je suis venu à cette conférence de pasteurs. I have come to disconnect you from the sheep. Je suis venu pour vous déconnecter de vos brebis. To reconnect you to the Lord. Pour vous reconnecter au Seigneur. Because once you're connected to the Lord. Parce que une fois que vous êtes connecté au Seigneur, the sheep belong to the Lord. Les brebis appartiennent au Seigneur. The Lord will fill the house. Le Seigneur va remplir la maison. And the sheep know the voice of the shepherd. Et les brebis connaissent la voix du berger. They will fill the house. Elles rempliront la maison. And the Lord will provide for you more than you ever needed. Et le Seigneur va pourvoir pour vous plus que vous n'avez jamais eu besoin. Alléluia. Alléluia. That is what I'm bringing to this nation. C'est ce que j'apporte à cette nation. That the pastor must learn to depend on only the Lord, only the Lord. Que les pasteurs doivent apprendre à dépendre du Seigneur seulement du Seigneur. Even if you get some money from government, some handout from government. Même si vous avez de l'argent du gouvernement, quelque aide du gouvernement. That's all right. C'est juste. You say, I bless you, Lord. Vous dites, je te bénis, Seigneur. But remember that the Lord is your provider. Mais souvenez-vous que le Seigneur est celui qui pourvoit. Your provision does not come from the earth. Vos provisions ne viennent pas de la terre. And the Lord will fill the church. Et le Seigneur va remplir l'église. And there will be a revival. Et il va y avoir un renouveau. I gave a prophecy. J'ai donné une prophétie. I gave a prophecy in 2004. J'ai donné une prophétie en 2004. And I said, et j'ai dit, why are you breaking the walls, I asked. Pourquoi est-ce que vous brisez les murs? J'ai demandé. I asked the pastors, j'ai demandé aux pasteurs. Why am I seeing you breaking walls, breaking, destroying the walls of the church? Pourquoi est-ce que je vous vois casser les murs de l'église? And then they asked me one question. Et ensuite ils m'ont demandé une question. Are you crazy? Est-ce que vous êtes fou? For us to break the wall of the church? Pour nous, de briser les murs de l'église? I said, yes, I see you breaking the wall. J'ai dit oui, je vous ai vu briser les murs de l'église. So you don't know what you're talking about. Ils ont dit, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Do you know how long this house has been here? Vous savez depuis quand cette maison a été ici? Do you know how much money it has taken to build this church? Est-ce que vous savez combien ça a coûté de construire cette église? Do you know how old this church has been here? Est-ce que vous savez depuis quand cette église a été ici? And you say that I am breaking this wall? Et vous dites que je brise ces murs? I said yes, I see you breaking it. Oui, and saw... In fact, destroying the wall. J'ai dit oui, je vous ai vu en train de casser ces murs. And then I kept quiet. Et ensuite, je suis resté tranquille. You have to stretch. Vous avez à agrandir. Because when you preach, parce que lorsque vous prêchez, when you preach, you find that there are more people standing outside than inside. Quand vous prêchez, vous voyez que il y a plus de gens qui sont à l'extérieur qu'à l'intérieur. So I told them destroy the wall. Alors je leur ai dit détruisez les parois. So now they put tents, they stretch tents. Et maintenant ils prennent des tentes. Ils étalent des tentes. Only tents can walk in this situation. Seules les tentes peuvent marcher dans cette situation. Because with a tent you just roll it more. Alors avec une tente on l'étale un peu plus. Alors vous l'étalez un peu plus quand les brebis viennent. But please, mais s'il vous plaît. The next thing is revival. La prochaine chose c'est le renouveau. Now the Lord is asking. Maintenant le Seigneur demande for the new Samuels to rise up in stature, in full stature. Pour que les nouveaux Samuel s'élèvent en stature, en pleine stature. Stature, the full height of Christ. Stature de la pleine hauteur de Christ. And take over the land. Et qu'il prenne le pays. And Samuel grew in stature and in favor with God and with men. Et Samuel croissait en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. What is the meaning of stature? Quelle est la signification de la stature? Now listen to this. Alors écoutez ceci. When a baby is being born here today. Quand un bébé est né ici aujourd'hui. When you take the baby to the pediatric doctor's pediatrician. Quand vous allez avec le bébé chez le pédiatre. And the doctors, what they will do. Et les docteurs, ce qu'ils vont faire. Is to put the baby on a weighing scale. Et c'est de mettre le bébé sur une balance. And they will put some stones here. 1 kilogram, 2. Et ils mettront quelques poids ici, 1 kilo, 2 kilo. And then the doctors will tell you. Et ensuite les docteurs vous diront. Bring the baby after 2 months. Amenez le bébé après 2 mois. Maybe one month. Ou peut-être 1 mois. But feed the baby on the following. Mais nourrissez le bébé comme ceci. Feed the baby on this and this and this. Nourrissez le bébé avec ceci, ceci et ceci. Because I want the baby to grow, the doctor will say. Alors, je désire que le bébé croisse, le docteur dira. So when you go and feed the baby on that specific diet. Et quand vous allez que vous nourrissez le bébé dans ce régime spécial. When you come back to the doctor. Quand vous retournez vers le docteur. The doctor, she or he will weigh the baby again. Le docteur, lui ou elle, vont peser le bébé encore. He might find that he needs to put 3 more stones. Il doit peut-être mettre 2 poids supplémentaires. The weight of the baby. Pour que le poids soit en équilibre. Then you say very good. He will mark and say the baby has gained weight. He will mark. Et ensuite il va dire c'est très bien. Le bébé a grandi et il va marquer. He gives you a specific diet. Il vous donne un régime spécifique. For Samuel to have grown in stature. Pour que Samuel croisse en stature. He must have been feeding on a specific diet. Il a dû être nourri d'un régime spécifique. The diet according to the doctor. Le régime selon le docteur. And today, et aujourd'hui, I have special news to you. J'ai une nouvelle spéciale pour vous. Breaking news. Une nouvelle de dernière heure. Breaking news. Nouvelle de dernière heure. The only diet. Le seul régime. That can grow this baby of revival. Qui peut faire croître ce bébé du renouveau. Is the righteousness of the Lord. C'est la justice du Seigneur. The holiness of God. La sainteté de Dieu. When you will feed this baby. Quand vous nourrirez ce bébé. On righteousness. De justice. This baby, the priesthood will grow in full stature with Christ. Ce bébé, la prêtrise va croître dans la pleine stature de Christ. When the priesthood is in full stature with Christ. Et quand la prêtrise est dans la pleine stature de Christ. Look at what happened here. Alors, regardez ce qui arrive ici. Chapter 3. Le chapitre 3. 1 Samuel. 1 Samuel. It says the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. Il dit l'enfant Samuel servait le Seigneur devant Eli. Verset 1 du chapitre 3. In those days the word of the Lord was rare. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Rare. Rare. And there were not many visions. Les visions n'étaient pas fréquentes. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. En ce même temps, Eli, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place habituelle. If I were you and I'm reading the Bible, si j'étais à votre place et que je lisais la Bible, and I admit his eyes were becoming weak, et que je rencontre ses yeux devenaient faibles, weak, I underline. Je voudrais souligner faible. Lying down, usual place, usual. Qui était couché à sa place habituelle. Possible, underline. À souligner. The Lord wanted something unusual, something new. Le Seigneur désirait quelque chose d'inhabituel, quelque chose de nouveau. Eli was in usual place. Eli était à sa place habituelle. The eyes were weak. The other version said his vision was weak. His vision. Ses yeux étaient faibles. D'autres versions disent sa vision était faible. His vision was weak. Sa vision était faible. Alléluia. Alléluia. And then he says. Et ensuite il dit. Verse 3. The lamp of God had not gone out yet. Verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. And Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. I am just telling you that you can make up your mind today and become the Samuels of this age. Je suis juste en train de vous dire que vous pouvez refaire votre pensée aujourd'hui et être les Samuels de cet âge. You can become the new priesthood of this mighty mega revival. Vous pouvez devenir la nouvelle prêtrise de ce très grand renouveau. Look. Regardez. The ark of the covenant of God. L'arche de l'alliance de Dieu. Where do you think the ark of the covenant of God was? Où pensez-vous que l'arche de l'alliance de Dieu était? It must have been in the holy of holies. Ça devait être dans le saint des saints. In the temple. Dans le temple. The most holy place. La place la plus sainte. That is the only place the ark of God can be. C'est la seule place où l'arche de Dieu peut être. When the glory comes and sits on the mercy seat. Quand la gloire vient et se met sur le siège de miséricorde. That is the only place the ark of God can be. C'est la seule place où l'arche de Dieu peut être. But listen to this. Mais écoutez ceci. The two pictures. Les deux images. The priesthood that had fallen. La prêtrise qui avait échoué. Was lying in the same usual place. Était couchée à la même place habituelle. Usual place, usual. La place habituelle. Habituel. Means it's a casual place, casual. Ce qui signifie que c'est une place occasionnelle. You enter there with jeans and t-shirt. Vous entrez là avec des jeans, avec des t-shirts. You whistle. En sifflant. What's going on here today? Usual, casual. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est, voilà, insouciant. Eli was lying there. Eli était couché là. But Samuel. Mais Samuel. Was in the holy place. Était dans la place sainte. Most holy place. La place la plus sainte. And he says. Et il dit. He says, the lamp of God had not yet gone out. Et il dit, la lampe de Dieu n'était pas éteinte. The lamp of God had not gone off. La lampe de Dieu n'était pas éteinte. And Samuel was there, lying next to the ark of the covenant, and the lamp of God is there. Et Samuel était là. Couché près de l'arche de l'alliance, la lampe de Dieu était là. Listen very carefully. Écoutez très attentivement. At that place, à cette place, there is the judgment of God. Il y a le jugement de Dieu. When they carried the ark of God, quand ils portaient l'arche de Dieu, and they did not carry it properly, et quand ils ne la portaient pas de la bonne manière, and they died. Alors ils mouraient. They died. Ils mouraient. So we know the severity of this place. Alors nous savons la sévérité de cette place. We know the gravity here. Nous savons la gravité ici. But listen to this. Mais écoutez ceci. Samuel was in this place. Était à cette place. And the lamp had not gone off. Et la lampe n'était pas éteinte. Which means, ce qui signifie, Samuel was tending the lamp of God. Samuel veillait sur la lampe de Dieu. He was checking the oil and adding. Il contrôlait l'huile et en ajoutait. And checking and adding. Contrôlait et ajoutait. While Eli was lying in the same usual place. Pendant que Eli était couché à la place habituelle. Samuel was inside here adding some clear oil or pressed olive. Samuel était là ajoutant de l'huile claire d'olive pressée. To keep the light of God burning, the lamp of God. Pour garder la lampe de Dieu allumée, la lampe de Dieu. And you see very clearly here. Et vous voyez très clairement ici. The two different places. Les deux places différentes. And you see that God used to talk to Eli. God used to talk with him. Et vous voyez que Dieu avait l'habitude de parler à Eli. He used to talk with him. Il avait l'habitude de parler avec lui. In dreams and visions. Dans des rêves et dans des visions. But when Eli fell. Mais quand Eli est tombé. You see that the Lord sent a prophet to him. Vous voyez que le Seigneur lui a envoyé un prophète to warn him about this fall. Pour l'avertir à propos de cette chute. And you see very clearly, et vous voyez très clairement, number one, when Hannah was praying, numéro un, quand Hannah était en train de prier, Eli could not recognize that Hannah was praying in the spirit. Eli ne pouvait pas reconnaître que Hannah priait dans l'esprit. Eli was talking about drunkenness, which means there were some drunk people in the house. Eli parlait à propos de d'ivresse, ce qui signifie qu'il y avait quelques gens ivres dans la maison. And we see very clearly that when the Lord called Samuel three times. Et vous voyez très clairement que lorsque le Seigneur appelle Samuel trois fois. Samuel. Samuel. Samuel. Samuel. Samuel. Samuel. Three times. Trois fois. Eli is not able to recognize that God is calling this young man. Eli n'est pas en mesure de reconnaître que le Seigneur est en train de appeler ce jeune homme. He was not able. Il n'était pas capable. Samuel came and said, "Hey." Samuel est venu et a dit, "Hey? Did you call me?" Est-ce que tu m'as appelé? And he said, "No, I have not called you." Et il a dit, "Non, je ne t'ai pas appelé." Samuel came back here. Samuel est revenu là. Samuel. Samuel. Hey? Hey? Hey? Did you call me? I did not call you. Est-ce que tu m'as appelé? Je ne t'ai pas appelé. Eli did not understand that this young man is lying next to the ark of the covenant of the Lord. Eli n'a pas compris que ce jeune homme était couché près de l'arche de l'alliance du Seigneur. And it must be that the Lord has called him. Et que ça pouvait être que le Seigneur l'avait appelé. So all those are the marks of a fallen priesthood. Et tout ça, ce sont les marques d'une prêtrise qui est tombée. When a priesthood falls, quand une prêtrise tombe, they lose sensibility to the Lord. Ils perdent la sensibilité au Seigneur. Sensibility. So, la sensibilité. They cannot hear him. Ils ne peuvent pas l'entendre. They even forget the spiritual discernment of the ways of God. Ils ont même oublié le discernement spirituel des chemins de Dieu. And that is what I see today. Et c'est ce que je vois aujourd'hui. Because today the church cannot even rise up and announce that we are going to have one day of national repentance in the country. Parce que aujourd'hui, l'église ne peut même pas se lever et annoncer que nous voulons avoir un jour national de repentance dans ce pays. And book the stadiums. Et réserver les stades. All the cities. Dans toutes les villes. And go there before the Lord and bring repentance before the Lord. Et aller là devant le Seigneur et amener la repentance devant le Seigneur. To give everybody a chance. Pour donner une chance à chacun. To come before the Lord and cry to the Lord. De venir devant le Seigneur et de pleurer devant le Seigneur. And tell the Lord, please restore us. Et de dire au Seigneur, s'il te plaît, restaure-nous. Please come and let your will be done in us. S'il te plaît, viens et que ta volonté soit faite en nous. Please change our direction. S'il te plaît, change nos directions. So that we may head to the kingdom of God. Comme ça, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Their children will come back from alcoholism. Il y a des enfants qui vont revenir de l'alcoolisme. From prostitution. De la prostitution. From drug addiction. De la dépendance de la drogue. Their children will come back from whatever bondage. Des enfants qui vont revenir de quel que soit le lien. Their sick ones will be healed from cancers. Des malades vont être guéris du cancer. And they will have a new lease of life. Et ils auront un nouveau contrat de vie. And many nations in Europe will say, et plusieurs nations en Europe diront, let us go and see what the Lord has done. Allons dans cette voir ce que le Seigneur a fait. The Lord is looking for a new priesthood. Le Seigneur cherche une nouvelle prêtrise, a holy priesthood. Une prêtrise sainte, a sacred garment. Un vêtement sacré. If you look at the book of Zechariah chapter 3, si vous regardez le livre de Zacharie chapitre 3, Zechariah chapter 3, Zacharie chapitre 3, listen to what he says about the priesthood. Écoutez ce qu'il dit à propos de la prêtrise. I am reading Zechariah chapter 3 verse 1 up to verse 7. Je lis Zacharie chapitre 3 verset 1 à 7. He says, then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord and Satan standing at his right hand side to accuse him. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. The Lord said to Satan, the Lord rebuke you, Satan, the Lord who has chosen Jerusalem, rebuke you. Is this man not a burning stick snatched from the fire? Le Seigneur dit à Satan, que le Seigneur te réprime, Satan. Que le Seigneur te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? C'est très important pour les pasteurs maintenant. Le verset que je lis maintenant, le verset 3. Il dit, now Joshua was dressed in filthy clothes as he stood before the angel of the Lord. Il dit, or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait devant l'ange du Seigneur. The angel said to those who were standing before him, take off his filthy clothes. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Then he said to Joshua, see, I have taken away your sin and I'll put rich garment on you. Puis l'ange dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Then I said, put a clean turban on his head. And so they put a clean turban on his head and clothed him while the angel of the Lord stood by. Et il dit, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. The angel of the Lord gave this charge to Joshua. L'ange de l'Éternel fit cette déclaration à Josué. This is what the Lord Almighty says. If you will walk in my ways and keep my requirements, then you will govern my house and have charge over my courts, and I will give you a place among these ones standing here. Ainsi parle le Dieu Tout-Puissant. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. This is very critical. C'est très crucial. You see Joshua here. Vous voyez Josué ici. Joshua here represents Israel. Josué ici représente Israël. In fact, represents the priesthood in Israel. En fait, il représente la prêtrise en Israël. And then represents Israel. Et ensuite, représente Israël. Why? Pourquoi? Because when the Lord created Israel, parce que quand le Seigneur a créé Israël, he meant that Israel would be a nation of priests. Il a pensé que Israël va être une nation de prêtres. A nation of priesthood. Une nation de la prêtrise. Such that when Israel went to Mount Moriah, de telle sorte que lorsqu'Israël est allé au mont Morija, they always walked from Jericho, from where, from many places. Ils marchaient toujours de Jéricho, de beaucoup d'endroits. It took many days they walked to Mount Moriah. Ils prenaient plusieurs jours de marche pour aller à Morija. They went there. Ils allaient là. On the day of sacrifice. Pour le jour du sacrifice. The day of worshiping Jehovah. Le jour où on adore Jéhovah. And when they went there. Et quand ils sont allés là. To worship Jehovah. Pour adorer Jéhovah. When they worshiped him. Quand ils l'ont adoré. The glory always came down. la gloire toujours descendait. And all the other nations around Israel, et toutes les autres nations autour d'Israël, when they looked and they saw Israel, quand ils regardaient et qu'ils voyaient Israël, they saw that when Israel worships, ils voyaient quand Israël adore, God from heaven visits Israel. Le Dieu des cieux visite Israël. And so the purpose of that was this. Et alors, le but de cela était ceci. That when Israel worshipped Jehovah, que lorsque Israël adorait Jéhovah, and Jehovah visited Israel, et que Jéhovah visitait Israël, then the nations around Israel, et alors les nations autour d'Israël, were supposed to look, étaient supposées regarder, and envy, et envier, and long for it, et aspirer à cela, and want to worship the God of Israel also, et désirer adorer le Dieu d'Israël aussi. So in other words, alors en d'autres mots, the Lord created Israel, le Seigneur a créé Israël as a nation of priesthood, en tant que nation de la prêtrise, that when they worship him, que lorsqu'ils l'adoraient, ils montreraient aux autres nations comment adorer Jéhovah. And they would draw them to the worshiping of Jehovah. Et ils les conduiraient à l'adoration de Jéhovah. But something happened on the way. Mais quelque chose est arrivé dans le chemin. And that's why you see, et c'est pourquoi vous voyez that Israel damaged it. Tainted its priestly garment. Que Israël a endommagé, a entaché son vêtement sacerdotal. They dirtied their priestly garment. Donc, ils ont sali leur vêtement sacerdotal. When they destroyed, they dirtied the priestly garment. Quand ils ont détruit, quand ils ont sali le vêtement sacerdotal. When it was time for Israel to come. Quand c'était le temps pour Israël de venir, to come before the Lord here and worship the Lord. De venir devant le Seigneur là et d'adorer le Seigneur. Satan also appeared. Satan aussi est apparu. Satan also stood there on his right side. Satan aussi s'est tenu là à sa droite. And Satan began to claim right over Israel. Et Satan a commencé à réclamer des droits sur Israël. Satan began to say, "No, this man is mine." Satan a commencé à dire, "Oh non, cet homme est à moi." Look, there is one mark here. Regarde, ici, il y a une marque. Of homosexuality. Une marque d'homosexualité. That is my mark. I'm the one who put on him. Ça c'est ma marque. Je suis celui qui l'a mise ici. This man is mine. Cet homme est mien. Look, there is another mark here of deception and lies. Regarde ici, il y a une autre marque de tromperie et de mensonge. This is my man. C'est mon homme. Because today, parce qu'aujourd'hui, if you go to Kenya, si vous allez au Kenya, or you go to another part of the world, ou si vous allez dans une autre partie du monde, and you are from Sweden, et que vous êtes de Suède, with your Swedish passport, avec votre passeport suédois, that is the identity mark of Swedish people. Ça, c'est la marque d'identité des gens suédois. The passport. Le passeport. So when you are out there, alors, quand vous êtes ailleurs, and a report comes to the government, et qu'un report vient au gouvernement, we have somebody here, he was hitchhiking on the mountain, and he has a Swedish passport. Nous avons ici quelqu'un qui montait sur les montagnes et qui a un passeport suédois. And he's not feeling well, so we have airlifted with a helicopter up to our hospital here. Alors, il ne s'est pas senti bien, alors on l'a héliporté avec notre hélicoptère et il est ici à l'hôpital. The government will say, "No, no, that's our person." Le gouvernement va dire, non, non, c'est notre personne. That is our person. Ça, c'est notre personne. That is a Swedish citizen. Treat him well. C'est un citoyen suédois. Traitez-le bien. Give him everything he wants, we will pay you back. Donnez-lui tout ce dont il a besoin, on va vous rembourser. That is our citizen. C'est notre citoyen. So the passport, the Swedish passport. Alors, le passeport suédois, is the identity marker. C'est la marque d'identité. That you belong to the kingdom of Sweden, to the nation of Sweden, to the country of Sweden. Que vous appartenez au royaume de Suède, au pays de Suède, à la nation de Suède. To the people of Sweden. Au peuple suédois. Identity marker. La marque d'identité. That's why the devil also, the devil. C'est pourquoi le diable aussi, le diable, When Israel was worshiping Jehovah, quand Israël adorait Jéhovah, wearing the identity mark of God, vêtu de la marque d'identité de Dieu, wearing the fine linen, the priestly garment, revêtu du fin lin, du vêtement sacerdotal, the righteousness of Jehovah, la justice de Jéhovah. And so Israel walked with the stature of God. Alors Israël marchait avec le statut de Dieu. With the love of God, the favor of God. Avec l'amour de Dieu, avec la faveur de Dieu. But later, Satan came. Mais plus tard, Satan est venu. And put one mark of sexual sin. Et a posé une marque de péché sexuel. Another mark of deception. Une autre marque de tromperie. Lies. Du mensonge. Witchcraft. De la sorcellerie. The gospel of prosperity. De l'évangile de la prospérité. Put. L'a mis. When Joshua appeared here, quand Josué est apparu là, to worship, pour adorer, the devil appeared also. Le diable est aussi apparu. And Satan began to claim right. Et Satan a commencé à réclamer ses droits. Then the Lord asked, alors le Seigneur a demandé, is this man not a burning stick snatched from the fire? Est-ce que cet homme n'est pas là un tison arraché du feu? Which means God could recognize him. God was able to recognize, this is my person. Ce qui signifie que Dieu le reconnaissait. Dieu était capable de le reconnaître. Why are you claiming him here? Pourquoi est-ce que tu réclames ici? Today, aujourd'hui, if you look at the Church of Christ, si vous regardez l'Église de Christ, in Milan, à Milan, Milan and Rome and Paris, hein? Milan et Rome et Paris, they are called fashion, the fashion gurus or fashion guru, whatever the name. Ils appellent ça les gourous de la mode. They are people that do fashion. Les gens qui font la mode. They make the best clothes for fashion in this world. Ils font les meilleurs habits pour la mode dans ce monde. And they say, et ils disent, you have to make them sexy. Vous avez à les faire sexy. And they sell in the shops. Et ils les vendent dans les magasins. The Christians, les chrétiens, they went to the shop, vont dans les magasin, and bought those clothes. Et achète ses habits. So if you look at the church, alors si vous regardez à l'église, just the dressing of the church, juste l'habillement de l'église, the church that has been redeemed by the blood of Jesus, l'église qui a été rachetée par le sang de Jésus, if you look at her and you look out to the outside also, the world, si vous la regardez et que vous regardez en dehors le monde, they have the same dressing. Ils ont les mêmes habits. How possible? Comment est-ce possible? How? Comment? That the children of Jehovah redeemed by the blood of the Son of the Living God. Comment est-ce que les enfants de Jéhovah, rachetés par le sang du Dieu vivant, and the unsaved world, et le monde qui n'est pas sauvé, how can the two look the same? Comment peuvent-ils avoir la même apparence? The enemy, l'ennemi, he has put his identity marker on the church, a mis sa marque d'identité sur l'église, on the garment of the church, sur les habits de l'église. If you go out and see how the non-Christians are lying, they're lying. Si vous sortez et que vous voyez comment les non-chrétiens mentent, if you come to church, si vous venez à l'église, you'll find Christians lying. Vous allez trouver aussi des chrétiens qui mentent. If the fashion in the world, the fashion, si la mode dans le monde, la mode, is for open breasts, et pour une poitrine ouverte, they show their breasts these days. Ils montrent leur poitrine. These days they show their breasts. En ces jours, ils montrent leur poitrine. You know what I'm saying. Vous savez de quoi je parle. These days the fashions, you must show your breasts. En ces jours, la mode, c'est de devoir montrer sa poitrine. The world is showing their breasts. Le monde montre sa poitrine. The church is showing their breasts. Alors l'église montre sa poitrine. And yet, the church, et maintenant, l'église, you have been redeemed by the blood of the Son of the Living God. Vous avez été racheté par le sang du Dieu vivant. The Son of God came down and died for you. Le Fils de Dieu est descendu et il est mort pour vous. To redeem you. Pour vous racheter. How can you look the same? Comment pouvez-vous avoir la même apparence? Because the blood of Jesus, parce que le sang de Jésus, when you receive the Lord and the blood covers you, quand vous recevez le Seigneur et que le sang vous couvre, the blood is the ultimate sacrifice. Le sang est le sacrifice ultime. There is no other sacrifice. Il n'y a pas d'autre sacrifice. And the blood has ultimate power. Et le sang a un pouvoir ultime. Such that if you have been in the world, de telle sorte que si vous avez été dans le monde, the blood has power, le sang a le pouvoir to transform you, de vous transformer from a child of the world, d'un enfant du monde, to a child of God, en un enfant de Dieu. The blood has power, le sang a le pouvoir to transform you, de vous transformer from the child of darkness, d'un enfant de ténèbres, to a child of the light, en un enfant de lumière, the wonderful light, la merveilleuse lumière, from the child of the earth, d'un enfant de la terre, to the child of the kingdom of heaven, à un enfant du royaume des cieux. So I am asking one question. Alors je pose une question. Why is the church, pourquoi est-ce que l'église, not covered by the blood, n'est pas couverte par le sang? Because if the blood of Jesus covers you, parce que si le sang de Jésus vous couvre, it will change you. Ça va vous changer. You have no choice, it must change you. Vous n'avez pas le choix, il doit vous changer. If the blood of Jesus covers you, si le sang de Jésus vous couvre, your mind will be different. Votre pensée va être différente. Your value systems will change. Votre système de valeurs va changer. You will look at things differently. Vous allez regarder les choses d'une manière différente. When the blood touches you, covers you, quand le sang vous touche, vous couvre, your reasoning will change. Votre raisonnement va changer. You will reason very differently. Vous allez raisonner très différemment. When you come to issues, you say, no, I cannot wear those clothes. Quand vous arrivez à l'issue de dire non, je ne peux pas revêtir ces habits. My body is the holy temple of God. Mon corps est le saint temple de Dieu. I must honor my body. Je dois honorer mon corps. I cannot buy those clothes. Je ne peux pas acheter ces habits. Because my body is the holy temple of God. Parce que mon corps est le saint temple de Dieu. I cannot come here in tight trousers to show you people my anatomy. Je ne peux pas venir ici avec des habits très serrés pour montrer mon anatomie aux gens. That you may lust at me. Pour que vous puissiez me convoiter. Because what is the purpose anyway? Parce que quel est le but de toute manière? Can we talk today? Pouvons-nous parler aujourd'hui? I want to talk. Je désire parler. I must talk here. Je dois parler ici. You cannot wear tight trousers. Vous ne pouvez pas mettre des pantalons serrés en tant que femme. If you have been washed by the blood of the Lamb of God. Si vous avez été lavé par le sang de l'agneau de Dieu. Because if you wear too tight, parce que si vous vous vêtez trop serré, the men will begin to lust at you. Les hommes vont commencer à vous convoiter. Maybe there are some people who are not born again who have come to church. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau qui viennent à l'église. They are tired of immorality in the world. Ils sont fatigués de l'immoralité dans le monde. And they say, pooh. Et ils disent pouh. I want to give God a chance. Je veux donner une chance à Dieu. And when they come to church, et quand ils viennent à l'église, they find immorality in the church. Ils trouvent l'immoralité dans l'église. And then they are worshiping, but they are lusting at you. Et ensuite, ils adorent, mais ils vous convoitent. Is that why God created you? C'est pourquoi Dieu vous a créé. Is that why God redeemed you? C'est pourquoi Dieu vous a racheté. No, absolutely not. Non, absolument non. That you may bring immorality here. Pour que vous puissiez amener l'immoralité ici. Matthieu chapitre 5, verset 27 et 28. Matthieu chapitre 5, les versets 27 et 28. Whoever looks at a woman, quiconque regarde une femme, and lusts at that woman, pour la convoiter, he has already committed adultery with that woman. Il a déjà commis adultère avec cette femme. The new law of the Lord, la nouvelle loi du Seigneur, the new law of the grace, la nouvelle loi de la grâce, is a much higher law. C'est une loi bien supérieure. Because in the time of Moses, parce qu'au temps de Moïse, they needed two or three witnesses. Ils avaient besoin de deux ou trois témoins. That will come say, have you seen this woman in sin or this man in sin? Qui viennent dire, est-ce que vous avez vu cet homme ou cette femme dans le péché? Two witnesses. Deux témoins. And you were judged. Et vous étiez jugé. Oh yes, I saw him. He went with that woman there. Alors oui, je l'ai vu. Il est allé avec cette femme là. But today. Mais aujourd'hui. You don't need a witness. Vous n'avez pas besoin de témoin. The Lord is judging the heart. Le Seigneur juge le cœur. Keep your hearts pure. Gardez vos cœurs purs. If you want to carry this message of repentance. Si vous voulez porter ce message de repentance. If you want to carry this revival of holiness. Si vous voulez porter ce réveil de sainteté. It must begin with you. Ça doit commencer avec vous. It must begin with you. Ça doit commencer avec vous. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. If the Holy Spirit will start ministering to you, si le Saint-Esprit commence à vous enseigner, you will find yourself changing your closet. Vous allez vous trouver en train de changer de vêtements, your clothes, vos habits. There are certain clothes you'll just say, you know what? I cannot wear them anymore. Il y a certains habits que vous direz, oh, vous savez quoi? Je ne peux plus les mettre. Because I don't want to glorify Satan. Parce que je ne désire pas glorifier Satan. I want to glorify Jehovah. Je désire glorifier Jéhovah. The Holy Spirit will disconnect you step by step. I saw it in Kenya. I saw it in Kenya. Le Saint-Esprit va vous déconnecter pas à pas. Je l'ai vu au Kenya. I saw the way he walked on them. J'ai vu la manière dont il a marché. En eux. Il l'a fait. Ils sont revenus et ils ont dit, oh, il y a certains programmes de télévision que nous ne pouvons même pas voir. They said there are certain clothes I collected and I burnt them. I cannot even give them as gifts. Ils ont dit, il y a certains habits que j'ai rassemblés et que j'ai jetés. Je ne peux même pas les donner. Set on fire. Mis au feu. The Lord is saying, le Seigneur dit, that you are the priesthood. Que vous êtes la prêtrise. You are the generation. Vous êtes la génération. That will prepare for him the garment. Qui va préparer pour lui le vêtement. No other generation. Il n'y a pas d'autre génération. He says, it will be you. Il dit, ça va être vous. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. It is going to be ridiculous. Là, ça va être ridicule. If a black male, si un mâle noir, if you go and start preaching holiness, si vous allez et vous commencez à prêcher la sainteté and repentance, et la repentance, and you yourself have not been transformed, et que vous-même, vous n'avez pas été transformé, they look at you and they say, but ils vous regardent et ils disent, mais she is not yet changed. Elle n'est pas encore changée. He is not yet changed. Look at that. Il n'est pas encore changé. Regardez ça. This is a holy message. C'est un message saint. This one is the grand finale. Celui-là, c'est la grande finale. This is the message that prepares the way for the coming of the Messiah. C'est le message qui prépare le chemin pour la venue du Messie. Very, very big responsibility on this message. Une très grande responsabilité dans ce message. You can spoil for Christ. Vous pouvez discréditer Christ. Or you can help Christ. Ou vous pouvez aider Christ. Be careful. Attention. And that's why the Lord is asking that you be transformed first. C'est pourquoi le Seigneur vous demande d'être d'abord transformé. When you are transformed, quand vous êtes transformé, you will have power to preach this message. Vous aurez le pouvoir de prêcher ce message. And there is responsibility. Et c'est une responsabilité. How you talk. La manière dont vous parlez. How you dress. La manière dont vous vous vêtez. How you do your things. How you interact with the worship team. Comment vous faites vos choses. Comment vous interrompez l'équipe de louange. You know, at times the worship ladies can be too close to the pastor. Vous savez, quelquefois, les femmes de l'adoration peuvent être trop proches du pasteur. Until the wife becomes jealous. Jusqu'à ce que l'épouse devienne jalouse. Until the wife begins to fight. Jusqu'à ce que l'épouse commence à lutter. I have seen it in many countries. J'ai vu cela dans beaucoup de pays. God has shown it to me in many countries. Et le Seigneur m'a montré de rencontrer beaucoup de pays. At times the worship ladies can be too close to the pastor. Quelquefois, les femmes de l'adoration peuvent être trop proches du pasteur. Until the members of church become concerned. Jusqu'à ce que les membres de l'église deviennent concernés. The members of church begin saying, until the elders, begin to call the pastor. Les membres de l'église commencent à penser, et jusqu'à ce que les anciens commencent à appeler le pasteur. And say, pastor. Et disent, pasteur. These days I see you preaching, but you are not reading from the Bible in a very long time. Ces temps je vous ai entendu prêcher, mais vous ne lisez pas dans la Bible depuis longtemps. I see you just preaching, motivational speaker. Je vous vois juste prêcher, être un orateur de motivation. Pastor, open your Bible. Read your Bible. Pasteur, ouvrez votre Bible. Lisez votre Bible. Read to us the Bible. Lis-nous la Bible. Pastor, there is this worship. Be careful with girls. Pasteur, il y a cette adoration. Attention. Be careful with girls. They can spoil your ministry. Attention, les filles peuvent gâter ton ministère. If it is a lady pastor. Si c'est une pasteur femme. They say, pastor, be careful with young men. Et alors ils disent, pasteur, attention aux jeunes gens. Yeah, be careful how you relate, because I know you are mature, but we just wanted to tell you that. Attention, quelle est votre relation? Parce que, attention, on veut juste te dire ceci. What the devil has done in church? Qu'est-ce que le diable a fait dans l'église? I must say it here. Je dois le dire ici. And when I say it, you will avoid it. Et quand je vous le dis, vous pouvez l'éviter. But if I come and I don't say it. Mais si je viens et que je ne dis pas. First of all, I will have so much blood on my hands. Premièrement, j'aurai tellement de sang sur mes mains. Number two, the Lord will remove me. Numéro 2, le Seigneur va me déplacer. There are 7,000 who have not yet bowed to Baal. Il y en a 7,000 qui n'ont pas plié le genou devant Baal. He will send another one. Il enverra quelqu'un d'autre. To say it correct. Pour le dire correctement. The message is not mine. I'm just a messenger. Le message n'est pas mien. Je suis juste un messager. Messenger, I'm running with a letter. Un messager. Je cours avec une lettre. I have no power to change the message. Je n'ai aucun pouvoir à changer le message. The message belongs to the owner of the message, Jehovah. Le message appartient au propriétaire du message, Jéhovah. Dress your worship teams with gowns. Habillez votre équipe de louange avec des robes. Put the gown on the worship team, long gowns. Mettez des robes à l'équipe de louange, des longues robes. You can buy for your worship team some gowns. Vous pouvez acheter pour votre équipe de louange quelques robes. So they can stand and worship in holiness. Alors elles peuvent se tenir debout et adorer dans la sainteté. So when the men are worshiping or the women, they are not lusting or whatever. Alors quand les hommes adorent et les femmes, ils sont pas en train de se convoiter. This is the responsibility of the pastor. Ça c'est la responsabilité du pasteur. If the pastor does not rebuke sin, si le pasteur ne réprimande pas le péché, then what happened to Eli will happen to the pastor. Alors ce qui est arrivé à Eli va arriver au pasteur. Because if you follow what I did not tell you, when you follow on, parce que si vous suivez ce que je vous ai pas dit, si vous suivez, you find that the Lord killed the two sons of Eli and killed Eli also. Vous allez trouver que le Seigneur a tué les deux fils d'Eli et il a tué Eli aussi. He killed Eli's sons plus Eli. Il a tué les fils d'Eli plus encore Eli. On the same day. Le même jour. I have to warn about this. J'ai à avertir à propos de ceci. If you go all over the world, si vous allez tout autour du monde, church in the United States, l'église des États-Unis, they are doing their own thing. Ils font leurs propres choses. They are faking prophets. Ils simulent des prophètes. False prophets are there. Des faux prophètes, on sent ici. False apostles. Des faux apôtres. They are false. Ils sont faux. And they are preaching the gospel of money. Et ils prêchent l'évangile de l'argent. The gospel of private aeroplanes. L'évangile d'avions privés. The gospel of big kingdoms. L'évangile des grands royaumes. To the extent that the pastors, au point où les pasteurs, have gotten confused. Sont devenus confus. I was surprised. J'étais surpris. When some pastors wrote me emails. Quand quelques pasteurs m'ont envoyé des emails. They said, "Men of God." Ils ont dit, homme de Dieu. We want you to come to our country. On aimerait que tu viennes dans notre contrée. But what is your financial protocol? Mais quel est votre protocole financier? Financial protocol. Le protocole financier. So I did not understand that. Alors, je ne comprenais pas cela. I did not understand what financial protocol is that time in the email. Je ne comprenais pas ce que c'était le protocole financier dans cet email. Then I asked them, what is that? Alors, je leur ai demandé, de quoi s'agit-il? They said, no, how much do you require for us to put in your account first? Alors, ils ont dit, combien est-ce que tu exiges qu'on mette sur ton compte, premièrement, before you come to our country? Avant que tu viennes dans notre pays. That is the church. Ça, c'est l'église. And then I asked them, what? Et ensuite, je leur ai demandé, quoi? Yes, because most evangelists have a requirement. Parce que la plupart des évangélistes ont des exigences. Then I said, alors j'ai dit, when the Lord spoke to Jeremiah, quand le Seigneur a parlé à Jérémie, and told Jeremiah to go speak to Israel, et a demandé à Jérémie de parler à Israël, did Jeremiah have a financial protocol? Est-ce que Jérémie avait un protocole financier? When the Lord spoke to Isaiah, quand le Seigneur a parlé à Esaïe, and he sent Isaiah to Israel, et qu'il a envoyé Esaïe en Israël, did they first put $50,000 in Isaiah's account before Isaiah came? Est-ce qu'ils ont mis 50,000 dollars sur le compte d'Esaïe avant que Esaïe vienne? That is the confusion in the church. Ça, c'est la confusion dans l'église. That is the confusion in the pastoral ministry. Ça, c'est la confusion dans le ministère pastoral. You can just tell very clearly. Vous pouvez juste dire très clairement. Who has not come from the Lord? Qui ne vient pas du Seigneur? You can tell very clearly when the Lord has spoken. Vous pouvez dire très clairement quand le Seigneur a parlé. Because when the Lord speaks, parce que lorsque le Seigneur parle, it's a very serious business. C'est une affaire très sérieuse. There is no time for playing games. Il n'y a pas le temps de jouer à des jeux. With money or what. And that's why I'm saying, c'est pourquoi je dis, if the pastors will be connected to the Holy Spirit, si les pasteurs désirent être connectés avec le Saint-Esprit, then they will be able to know when God has spoken, alors ils seront capables de savoir quand Dieu a parlé, and when God has not spoken, et quand Dieu n'a pas parlé, they will also begin to rebuke sin in the church. Ils seront aussi capables de réprimander le péché dans l'église. And it may look bad, et ça peut avoir l'air mauvais, because some members of church may go away, parce que certains membres de l'église peuvent s'en aller. But remember, the sheep come from the Lord. Mais souvenez-vous, les brebis viennent du Seigneur. You don't change the message. Vous ne changez pas le message. Don't change it. Ne le changez pas. If they leave, si ils quittent, just continue preaching righteousness. Va juste continuer de prêcher la justice. And you'll see them coming back. Et vous allez les voir revenir. And you'll see the Lord filling the house. Et vous allez voir le Seigneur remplir la maison. And you'll see them going into the kingdom of God. Et vous allez les voir aller au royaume de Dieu. Ephesians chapter 4, 11 to 16. Ephésiens chapitre 4, 11 à 16. Don't go there. N'allez pas là. Just listen to me. Juste écoutez-moi. He says, il dit, it is he who called them. C'est lui qui les a appelés. Some to be apostles. Certains pour être apôtres. Some to be prophets. Certains pour être prophètes. Some to be evangelists. Certains pour être évangélistes. Some pastors. Certains pasteurs. Some to be teachers. Certains enseignants. The fivefold ministry. Le groupe des cinq ministères. They were called by God Jehovah. Ils ont été appelés par Dieu Jéhovah. And when you read on, et quand vous lisez, you see why he called them. Quand vous lisez plus loin, vous voyez pourquoi il les a appelés. And he says he called them, et ça dit, il les a appelés, that they may grow up the body of Christ, pour qu'ils puissent faire croître le corps de Christ. They may raise up the body of Christ. Ils puissent élever le corps de Christ. They may appraise the body of Christ. Qu'ils puissent estimer le corps de Christ. That they may lift up the body of Christ. Qu'ils puissent élever, faire monter le corps de Christ. That the body of Christ may reach the same height as Christ. Pour que le corps de Christ puisse avoir la même stature que Christ. Full maturity. Sans pleine maturité. That height of Christ is a spiritual height. Cette stature de Christ est une stature spirituelle. It is not physical. Ça n'est pas physique. That height of Christ is holiness. Holy, holiness. Cette stature de Christ est la sainteté. Saint, la sainteté. So the Lord is calling the pastors. Alors le Seigneur appelle les pasteurs. To go back holiness. À retourner à la sainteté. This is the hour to prepare the garment. C'est l'heure de préparer le vêtement. And that garment, et ce vêtement, is righteousness. C'est la justice. May the Lord bless you. Puisse le Seigneur vous bénir.